Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. À l'heure du café, Franck Ferrand nous parle plutôt du thé aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis allergique, moi malheureusement, à la caféine, mais nous avons déjà eu l'occasion de parler à ce même micro du thé dans le passé. Alors, pour pénétrer dans le monde raffiné, subtil et surprenant du thé, j'ai choisi le plus indiqué des guides, puisque Gilles Brochard est un des plus grands connaisseurs de ce divin breuvage. Émission casual aujourd'hui, c'est vendredi après tout. Oui, c'est très bien. Et comme chaque jour, vous répondrez à la question d'un auditeur à la fin de l'émission. Aujourd'hui, c'est Vincent qui voudrait connaître l'origine du savon. Eh bien, le savon fait partie de notre quotidien. Est-ce que c'était vrai hier? Est-ce que c'était vrai avant-hier? Oui et non, vous le verrez. Pour l'instant, je vous propose de parler d'un autre élément familier de notre environnement, le thé. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je suis un gros buveur de thé, ce qui ne veut pas dire que je sois un grand dégustateur, capable de choisir en conscience sur la carte d'un vrai salon tel ou tel Luxing ou thé Doulong ou toutes sortes de grands crus extraordinaires. D'une façon générale, les Français sont moins versés dans ce breuvage que les Anglais, par exemple. Ça paraît un lieu commun, mais c'est une vérité statistique. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Gilles Brochard, bien entendu. En France, disons que le thé a mis sans doute un peu plus de temps à s'implanter. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le café régnait vraiment en maître. La consommation de thé décolle à partir du milieu des années 50, notamment avec l'apparition du fameux sachet individuel. À l'échelle mondiale, le thé n'en est pas moins la première boisson. En tout cas, après l'eau plate, évidemment, il s'en consomme environ 15 000 tasses à la seconde. Ça donne le vertige d'imaginer cette consommation gigantesque de thé. 1800 milliards de tasses de thé par an, c'est complètement fou. Les plus grands consommateurs sont les Émirats Arabes Unis, avec plus de 6 kilos par habitant et par an. Près de 3 millions de tonnes de thé sont ainsi produites chaque année, distillant à tous les vertus de ce breuvage, vertus tonifiantes, déstressantes, digestives. Là-dessus aussi, nous reviendrons. Alors, celui sur lequel j'aimerais m'apesantir un moment, celui dont j'aimerais que nous partagions la destinée, c'est celui qui, pendant très longtemps, a été identifié à la boisson, à ce thé. C'est lui qui l'a rendu populaire à l'échelle planétaire. Sir Tea l'appellent les Anglais. Tea Tom l'appellent les habitants de Ceylan. C'est Thomas Lipton, évidemment. On aurait pu prendre d'autres personnages qui ont joué un rôle important, mais je pense qu'il est celui, encore une fois, qui a rendu le thé populaire. Lipton a compris, on est dans les années à la fin des années 1880, il a compris qu'il y avait un énorme marché en Angleterre. Ce breuvage était une boisson chère, réservée aux élites, mais on est en pleine expansion de la classe moyenne britannique, en pleine industrialisation, et il a compris, Lipton, que le thé allait devenir la boisson nationale. Elle était en train de le devenir à l'époque. Il prend la décision de se rendre à Ceylan, et au moment où il arrive à Ceylan, son magasin, sa propre boutique, n'existe que depuis un an en Angleterre. Il y arrive en 1890. Il n'a pas choisi Ceylan par hasard. Ceylan, c'est l'actuel Sri Lanka, évidemment. L'île, à l'époque, vient tout juste de se reconvertir, en quelque sorte, dans le thé, puisqu'il y a eu, pendant très longtemps, des plantations de café, essentiellement, à Ceylan. Et puis, une violente crise est intervenue. On peut dire qu'avant 1860, la production de Ceylan, la production de café, rivalisait avec celle du Brésil. Et puis est arrivé là-dessus un champignon dévastateur qui a anéanti la quasi-totalité des caféiers et les propriétaires anglais à l'époque ont décidé de replanter quelques plants de thé et puis de plus en plus et de plus en plus. C'est un jeune botaniste écossais, il s'appelait James Taylor, qui a lancé la première grande plantation et 30 ans plus tard, on peut dire que à Ceylan, le thé est devenu la culture principale. Thomas Lipton arrive donc dans cette île qui est désormais vouée au thé. On est à l'époque où l'Angleterre est en train de se convertir au thé et il se dit qu'il va faire fortune. Il en a d'ores et déjà l'intuition. Alors, ce thé Nous allons y revenir, bien entendu, tout à l'heure. Nous allons, avec Gilles Brochard, essayer d'évoquer toutes les grandes traditions, toutes les grandes cérémonies liées au thé. Disons, pour simplifier les choses, que deux grandes légendes courent à propos des origines du thé. D'abord, on dit que ce serait, et là ça nous remonte très loin en arrière, hein, dans les années 2700 avant notre ère, on dit que c'est l'empereur archaïque Shen Nung qui aurait inventé le thé. La légende veut que l'empereur aurait fait bouillir de l'eau à l'abri d'un théier sauvage que personne n'utilisait jusqu'alors. Le but était de purifier l'eau pour s'en désaltérer. Des feuilles seraient tombées dans l'eau, colorant le breuvage, lui donnant ce parfum si délicat. Shen Nung aurait goûté. On imagine difficilement un empereur goûtant lui-même sa boisson. Mais enfin, pourquoi pas? Et il se serait délecté de cette boisson. Il en aurait repris. Ce serait l'origine du thé. Une autre légende indienne, celle-là, infiniment plus récente, hein, ferait naître le thé à une époque plus tardive, à l'époque des Trois Royaumes, on est dans les années 220-265, c'est le prince Dharma qui serait allé en Chine pour prêcher un certain nombre de préceptes de Bouddha et il avait décidé pour accomplir sa mission de ne pas dormir et donc il serait resté pendant neuf années de son périple sans dormir. Et puis à la fin de la troisième année, on peut comprendre, il était particulièrement fatigué, il tombait littéralement de fatigue, il aurait cueilli un peu par hasard comme ça, tout en marchant et tout en parlant, il aurait cueilli les feuilles d'un théier sauvage, se serait mis à les mordiller machinalement et comme par miracle, ça l'aurait empêché de dormir et il aurait réussi, grâce à ses feuilles de thé, à veiller et ça lui aurait permis de prêcher 6 années supplémentaires, dit la légende. Le thé n'est arrivé en Europe alors que nettement plus tard. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que le thé y soit importé. D'abord par la compagnie néerlandaise des Indes orientales qui revient d'Asie les cales pleines de produits exotiques, de la porcelaine, de la soie, toutes sortes d'épices, et puis du thé. Au départ, c'est un thé vert qui provient essentiellement de Chine et du Japon. Ce thé est expédié par jonque des ports chinois vers Batavia, c'était le nom de Jakarta en Indonésie, et puis donc de Batavia envoyé à Amsterdam. Au début du XVIIIe siècle, nouveaux concurrents, ce sont les Anglais, avec la compagnie anglaise des Indes orientales, l'East India Company, qui établit un comptoir à Canton, en Chine, à partir de 1711. Les Anglais vont être plus rapides que d'autres pour ramener le thé en Europe, et d'autant qu'ils sélectionnent leur thé sur place. Il y a 3 sortes de thé vendus à l'époque, le thé vert donc toujours, le thé noir et puis ce thé oolong sur lequel on reviendra, ce thé bleuté sur lequel on reviendra tout à l'heure. Les Anglais vont prendre les Néerlandais de court, ils prennent une grande partie du marché au milieu du XVIIIe siècle. La boisson se répand vite dans les pays européens, notamment en Angleterre et dans les colonies anglaises. Quand je dis dans les colonies anglaises, notamment dans les 13 colonies. Je reviens dans un instant sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce qu'il faut déjà vous dire, c'est qu'en Angleterre, c'est la princesse portugaise Catherine de Bragance qui a introduit le thé à la cour. Elle était l'épouse du roi Charles II. On est là dans les années 1662, 63, 64. Elle est arrivée à la cour avec un coffre plein de thé et de services à thé et l'habitude s'est prise donc de consommer du thé. La reine Anne Stuart consommera pour la première fois du thé au petit déjeuner, ça va modifier les habitudes. Et puis surtout, et c'est la grande révolution si je puis dire, c'est la célèbre duchesse de Bedford. On est là à la toute fin du XVIIIe siècle, à l'époque de la révolution industrielle. Elle naît en 1788, la duchesse de Bedford, et elle vivra jusqu'à ce qui pour nous sera le Second Empire, jusqu'à 1861. Elle est la première dans les années 1830-1840 à servir en Angleterre à ses amis ce thé au milieu de l'après-midi. Elle le sert à 17h avec des petits gâteaux, des sandwichs, des pâtisseries. C'est l'origine du thé à l'anglaise, bien entendu, qui va devenir une véritable institution internationale. Alors je vous disais que par l'intermédiaire des 13 colonies, le thé va s'exporter aussi aux États-Unis. Nous y venons dans un instant. Maurice Jarre sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film La Route des Indes, réalisé par David Lean et sorti en 1984. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire du thé. Oui, Céline. Alors, il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que, dans ces colonies britanniques d'Amérique, le thé ait un véritable succès. Sa popularité est entachée par la fameuse surtaxe décrétée par la couronne britannique. Vous savez que c'est le roi George III qui a décrété de nouvelles taxes sur les produits importés par les colonies. On est là en 1767. L'objectif est de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de la colonie britannique. Et il va y avoir ce fameux boycott de la Compagnie anglaise des Indes orientales, lancée par John Hancock, qui avait été élu à la mairie de Boston, le rédacteur de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, car c'est lui, va lancer ce boycott, et les importations officielles passent du jour au lendemain, enfin très rapidement en tout cas, de 145 tonnes à 240 kilos. Ça va donner naissance ça, au fameux Tea Act de 1773, avec la signature d'un accord entre la ville de Boston et la compagnie qui prévoit une vente du thé dans les colonies sans la soumettre à la moindre taxe. Cette décision va entraîner la révolte des négociants et le 16 décembre 1773, trois bateaux remplis de thé sont arraisonnés, leur cargaison jetée à la mer. C'est la fameuse Boston Tea Party dont on parle tellement en ce moment et pour de toute autre raison, évidemment. Le thé devient, à ce moment-là, on peut le dire pour les États-Unis, une sorte de boisson nationale. Alors, il se répand un peu partout. J'ai parlé de cette colonie américaine, mais à travers toutes les colonies anglaises, le thé va devenir une boisson en quelque sorte mondiale. Il ne faut pas oublier également la consommation de thé dans les pays arabes. Il arrive notamment au Maghreb à la fin du 19e siècle. C'est là le thé vert qui est vite adopté par la population locale et qui va évidemment évoluer peu à peu vers le thé à la menthe. Alors revenons peut-être à notre bonhomme, à notre Thomas Lipton, qui donc est accueilli à Ceylan comme un véritable sauveur. Il faut vous imaginer qu'il est là pour acheter des terrains, qu'il plante ses propres plantations de thé. Il est très apprécié par les habitants parce qu'il sait y faire. Il a la bonne attitude, on va dire, avec la population locale et on a très vite compris qu'il avait comme objectif de relancer la consommation. Il est le premier homme à cultiver, à fabriquer, à importer, à commercialiser directement son thé sans aucun intermédiaire, ce qui fait qu'il va contrôler toute la chaîne depuis la récolte jusqu'à la distribution, ce qui lui permet de limiter les coûts. Je vous disais qu'il voulait populariser la boisson. Ce thé, il fallait évidemment que ça passe par une baisse des coûts. Alors le thé de Ceylan, c'est le thé noir, bien entendu. Ce thé de Ceylan, il sera présenté 3 ans plus tard, en 1893, pour la première fois à la Foire internationale de Chicago, et il remporte un très grand succès. Ce qui veut dire que d'emblée, on peut dire que Thomas Lipton a vu juste. Il faut vous dire qu'il est un peu né dans ce domaine, Thomas Lipton. Il a été bien formé et très tôt. Il est le fils de petits épiciers irlandais, émigrés à Glasgow, en Écosse. Alors c'est une enfance modeste, mais c'est une enfance de labeur et d'apprentissage. Il va très tôt ouvrir sa propre boutique, après avoir développé l'épicerie familiale. C'est un homme qui ne tient pas en place. Vous savez, c'est un entrepreneur né. Dès l'âge de 15 ans, il rêve de gagner sa vie pour voir du pays, pour sillonner les mers. Alors il va travailler d'abord chez un papetier comme garçon de course, ensuite chez un fabricant de bonneterie et il part pour les États-Unis à 15 ans contre l'avis de ses parents. Il a juste un peu d'argent en poche et surtout il a énormément d'ambition. Et c'est en Amérique, en travaillant dans une plantation de tabac en Virginie, puis dans une rizière en Caroline du Sud, etc., qu'il va apprendre ce métier de planteur dont il transposera plus tard les méthodes, évidemment, à Ceylan. C'est un homme né pour le commerce. Il est né dans le commerce, mais il est aussi né pour le commerce. Pour vous donner une idée, le jour de ses 21 ans, il monte sa propre épicerie à Glasgow et tout de suite, il a l'idée de lui donner son nom, ce qui n'était pas très fréquent à l'époque. Il a ce sens, on va dire, de ce qu'on appellerait le marketing. Vous savez, ça devient l'épicerie Lipton. Il vend des produits moins chers grâce à la suppression des intermédiaires, ça vous l'avez compris. Et puis, il a surtout vu comment procédaient les Américains. Il a connu les techniques de vente américaines et notamment la publicité. Et en Europe, Europe, il sera l'un des tout premiers à utiliser notamment les hommes sandwich, à peindre les fourgons qui le livrent aux couleurs de sa boutique, etc. En 1878, la presse locale écrit « Lipton est sur le point de devenir à Glasgow un nom commun ». Vous voyez, c'est un peu le Félix Potin écossais en quelque sorte. C'est une véritable réussite. Il développe très vite plusieurs dizaines de boutiques, non seulement à Glasgow, mais dans toute l'Écosse et puis bientôt dans toute l'Angleterre. 300 boutiques à la fin des années 1880, ce qui fait que Thomas Lipton, au moment où il va débarquer à Ceylan, est déjà un homme riche. Ça n'est rien à côté de la fortune qu'il va pouvoir faire maintenant. Il est devenu une sorte d'emblème. Il va développer ses plantations de thé, il va développer tout ce système de distribution. On peut dire qu'à partir des années 92, 13, 14, Thomas Lipton inonde le monde entier de cette nouvelle boisson tellement prisée, non plus seulement des élites, mais on peut dire par tous ceux qui, de près ou de loin, se reconnaissent dans un certain mode de vie à l'anglaise. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire du thé et de Thomas Lipton. Je vous l'ai dit, Thomas Lipton est un homme de marketing. Il a compris l'importance de la marque, donc ce nom qu'il avait déjà réussi à imposer à l'échelle de l'Écosse va devenir un nom connu dans le monde entier, mais assimilé immédiatement au thé, car il est le premier à avoir l'idée de mettre son nom sur les paquets de thé. Pendant très longtemps, le thé était livré avec le nom simplement du détaillant. Eh bien lui, il va en quelque sorte, il va mettre sa griffe sur tout ça. Il lance également son propre slogan, « Direct from the Tea Garden to the Teapot », c'est-à-dire directement du théier à la théière, en quelque sorte. Il devient le fournisseur officiel de la cour anglaise dès 1895. Ça n'est pas négligeable. Vous savez, cette étiquette « by appointment » qui joue un rôle très important, là encore, en termes de notoriété. La reine Victoria va d'ailleurs faire de Thomas un baronnet. Et à 48 ans, Sir Thomas Lipton devient un familier de la famille royale. Il est notamment proche du fils aîné de la reine. Vous savez, le célèbre prince de Galles, le futur Édouard VII, qu'il reçoit d'ailleurs à plusieurs reprises sur son propre yacht à vapeur, un yacht qu'il s'est fait construire en 1898 qui s'appelle l'Égouza et grâce auquel d'ailleurs il va se tailler un certain nombre de succès dans les régates, car peu à peu et à mesure que sa fortune se développe, Sir Thomas va se détourner un peu du thé pour s'intéresser davantage à la navigation, aux régates. Il est vraiment l'un des grands hommes de ce yachting du tournant du XXe siècle. En 1893, tout de même, il a pris le temps de retourner aux États-Unis où il ouvre d'abord 4 boutiques à Chicago, puis ça va faire évidemment la même chose, ça va faire tache d'huile. Suivront la Suède, le Danemark, l'Allemagne à la fin du 19e siècle, le Japon en 1905. Il faut quand même attendre 1920 pour que Thomas Lipton songe à conquérir le marché français. Il faut vous dire qu'en France, la distribution obéissait à de tout autres règles et que par ailleurs, le thé, vous l'avez compris, n'était pas du tout une boisson prisée. En France, on avait tendance à boire plutôt du café. Il n'empêche, Thomas Lipton a édifié un véritable empire constitué non seulement de plantations de thé, mais aussi de café, de cacao, de fruits divers, etc. Mais aussi de boulangeries, de magasins de vin et d'alcool, d'épiceries, de sociétés de conditionnement de viande. Bref, c'est un empire considérable et petit à petit cet empire il se contente surtout de le gérer d'un point de vue financier. Vous avez bien compris que sa vraie passion est ailleurs, je vous l'ai dit, Thomas Lipton c'est l'homme des régates. C'est lui notamment qui va beaucoup encourager la Coupe de l'América, vous savez, il sillonnera les mers à bord des yachts Shamrock, alors Shamrock 1, 2, 3, 4, Shamrock 5 qui va devenir ce yacht célèbre. Il tente de gagner la prestigieuse coupe mais il est passionné, ça ne veut pas dire qu'il soit forcément un excellent régateur. Et en l'occurrence, la coupe lui échappe presque toujours. Sa participation va populariser néanmoins le nom et la marque aux États-Unis. Et puis on va lui remettre une coupe qui sera la coupe du meilleur de tous les perdants. C'est un homme qui ne manque pas d'humour. Après tout, ça reste un Britannique dans l'âme. C'est un homme généreux également qui va faire don de beaucoup d'argent à toutes sortes d'associations, toutes sortes de fondation, toujours de manière anonyme d'ailleurs. Un jour, il verse 25 000 livres sterling au profit d'un fonds créé par la princesse de Galles pour aider les pauvres de Londres. On est au moment du jubilé de diamant de la reine Victoria. Évidemment, ça aurait été le moment ou jamais de faire savoir, mais il tient à ce que ses dons restent le plus secret possible. Il fait aussi un don la même année du même montant pour la lutte contre la famine en Inde. Je vous disais qu'il était bien vu à Ceylan, c'est aussi pour cette raison. Il y a une dimension humanitaire, si l'on peut dire, chez ce personnage. Et pendant la Première Guerre mondiale, il va mettre à la disposition de la Croix-Rouge les fameux vaisseaux sur lesquels il a passé son temps à sillonner le globe. Les yachts de Sir Lipton feront partie de la flotte de la Croix-Rouge. Il ne meurt qu'en 1931, or il n'a pas d'héritier, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que il a mené une vie familiale assez réduite, on va dire, à sa plus simple expression. Il s'était marié alors qu'il avait 20 ans, avant de partir à Ceylan. C'était pas un mariage d'amour, c'était seulement un mariage destiné à offrir un toit à la femme à laquelle il avait fait un enfant. Ils se sont très vite séparés au bout de 2 ans, et à partir de là, on ne lui connaît plus de liaison très durable. On va dire qu'il est plus attiré par l'aventure, Sir Thomas, que par la vie de famille. Sa femme, du reste, ira s'installer au Canada. Il va perdre de vue son enfant. Et donc, au moment où il meurt, en 1931, il est sans héritier. Alors, eh bien, on peut dire fidèle à lui-même, il va léguer sa fortune à plusieurs fondations, notamment une fondation qu'il avait créée pour les enfants nécessiteux dans sa ville natale, et puis à plusieurs hôpitaux d'Angleterre, dont certains portent d'ailleurs encore aujourd'hui le nom de Thomas Lipton. Bonjour Gilles Brochard. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous parler du thé. Alors là, je parlais d'un thé très populaire, d'une espèce de boisson, on va dire, industrielle. Le thé dont nous allons parler ensemble est un thé infiniment plus raffiné, bien entendu. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez du thé avec votre invité Gilles Brochard, journaliste à Art de Vivre et Gastronomie. Un mot peut-être, Gilles Brochard, à propos de Thomas Lipton. Oui. J'ai présenté ce bonhomme d'abord comme un homme de marketing. Il était the right man at the right place. Hein. Il était Exactement. L'homme qu'il fallait au bon moment. C'est extraordinaire parce que ce nom de Lipton, tout le monde l'a retenu. Qui aujourd'hui pourrait citer, parce qu'on a eu après, il y a eu Twinings, oui, il y a eu sûr. Des marques en France, il y a eu même des Anglais, George Cannon qui est devenu une marque française, Daman, il y a eu Mariage en 1854, il y a eu des noms, mais qui étaient en effet des marques qui étaient moins justement identifiées à des personnages, des aventuriers du thé. Simplement, moi je l'appelle le gentleman du thé parce que comme vous l'avez dit, c'était un homme assez altruiste et en même temps qui avait une vision, pas désintéressée, mais qui une vision presque romantique du thé. Et en même temps, il a popularisé dans les milieux très différents, en dehors de la gentry, le thé. Pourquoi ? Parce que, vous le savez bien, c'est que les Anglais préfèrent avant tout le lait. Et donc, il a importé des feuilles de thé qui sont devenues ensuite brisées, qui sont devenues des BOP, Broken Orange Pekoe, dans lesquelles on pouvait mettre dans ces thés très noirs un peu de lait. Et là, c'est véritablement ce qui nous différencie, nous, Français ou Allemands, des buveurs de thé anglais. Alors, vous venez de publier donc chez Arléa, enfin je dis vous venez il y a un petit moment déjà, oui, il y a 2 ou 3 ans. Il ressort en ce moment, voilà, mais il a été publié il y a quelques temps. Ce livre qui s'appelle Le thé dans l'encrier, qui est charmant, qui nous montre la passion d'un certain nombre de grands auteurs, oui, pour ce breuvage. Bah, c'est-à-dire que moi je me suis aperçu, étant un amoureux de la littérature, que le thé était presque un personnage littéraire. Je pense pas forcément à Jane Austen ou à Agatha Christie, mais des gens comme Balzac, oui, qui c'est quand plus même, inattendu. Voilà, au milieu du 19e siècle, a publié un traité des excitants modernes dans lequel le thé triomphe de tout, parce que en même temps, si vous allez à Rue Raynouard dans la maison de Balzac, vous voyez bien sûr la cafetière de Balzac, mais vous voyez sa théière. Et faut pas oublier qu'il était un amoureux presque transi de Madame Anska et que elle lui faisait parvenir par des petites cargaisons des thés assez forts qui venaient de Moscou. Et donc il s'est intéressé au thé, il en a bu, puisque vous savez qu'il avait besoin de théine, il avait besoin d'excitants, et pour lui c'était au même titre que le sucre, que le tabac, que le chocolat. chocolat. Et ce charmant traité des existants modernes montre que le thé a vraiment sa place en France. Oui, alors qu'on a tendance à l'assimiler à la culture anglaise. Voilà. Alors, d'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs britanniques. Oui, il y en a quelques-uns. Alors moi, j'ai cité la phrase de Louise de Villemorin qui comparait, vous qui vous intéressez à l'Angleterre, qui comparait le profil de la reine Victoria à une théière. Et c'est vrai que depuis que je vois la reine Victoria, je pense à une théière. Mais c'est ça qui est intéressant dans le thé, c'est que c'est le contenu et le contenant. C'est vraiment, vous l'avez dit, à la fois le salon où on va codifier avec les porcelaines, le rituel du thé à 5 heures, Lord Sandwich en Angleterre, etc. Les pâtisseries en France qui vont jouer un rôle important. En Angleterre, des thés noirs qui procèdent de mélange. Hein, voilà, ils ont inventé ce qu'on appelle les blends. Les blends, voilà. Et alors, il y a à peu près parfois jusqu'à 8 à 10 sortes de thé. Vous avez des thés qui viennent de Ceylan, d'Inde, évidemment. Alors, c'est d'Assam parce qu'ils sont assez noirs, assez corsés. Des thés un petit peu plus raffinés comme les Darjeeling. Et puis, vous avez eu depuis, disons, les années 50, beaucoup les thés africains, notamment le Kenya, qui est le premier pays d'Afrique à produire le thé sur le continent africain. Donc, vous avez ces mélanges que Lipton, aujourd'hui, qui est une marque très industrielle, popularise avec des sachets vraiment bas de gamme au sens propre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le CTC. On va couper, on va hacher les feuilles, ça va devenir très très noir comme ça. Alors que le vrai connaisseur, l'amateur, il va préférer les thés en feuilles. À peine ambré, oui, bien voilà, sûr. Voilà, exactement. Oui. J'avais été frappé lors de mon premier séjour en Angleterre par la rareté des salons de thé. Moi, j'imaginais qu'il y avait des salons de thé à tous les coins de rue. Il y a une raison, c'est que les Anglais l'ont tellement introduit dans leur vie quotidienne qu'ils prennent le thé tout le temps chez eux. Chez eux, mais bien sûr. Et nous, on va sortir, ou au bureau. On va sortir, vous vous souvenez bien des photos, des images, même pendant les deux dernières guerres. Alors que nous, les Français, on va sortir, on aime bien sortir. On va dans les tea-rooms, on va dans les pâtisseries et on va depuis, disons, les années 20, les années 30, dans les salons de thé qui sont devenus, mais pas seulement à Paris, quand vous allez en province, vous avez toujours la pâtisserie avec le salon de thé qui est devenu un véritable rituel. J'en profite pour dire que, puisqu'on célèbre cette année les 50 ans de la reconnaissance de la Chine, que Mao a fait beaucoup de mal pour les maisons de thé en Chine, qui était une tradition qui remontait au 17e, 18e siècle, et qui a fait détruire les maisons de thé qu'il considérait comme des maisons bourgeoises aux loisirs improductifs. J'aime beaucoup cette expression. Et depuis, Deng Xiaoping a ouvert un peu la Chine, on revient. Peu, oui. Bon, moi, la première fois que je suis allé en Chine, c'était en 1999. Il y avait très très peu de maisons de thé. Depuis, les maisons de thé sont ouvertes. Et alors, il y a le rituel d'autrefois, c'est-à-dire que les serveurs ont la natte par allégeance, comme une allégeance à l'empereur, ce qui était un crime sous Mao Tse-tung. Évidemment, ça n'aurait même pas été envisageable. Alors, ce que je vous propose, Gilles Brochard, c'est de revenir région par région. On va parler du Japon, de la Chine, de la Russie, etc. Bien sûr. On va faire ça dans un instant. Un mot quand même de la France. Oui. Parce que le thé, même s'il n'a pas été très populaire pendant très longtemps en France, est arrivé exactement en même temps qu'en Angleterre, même un peu plus tôt en un fait. Un petit peu plus tôt. Ouais. Alors, on parle de la création, vous savez, de la fameuse... On est au XVIIe siècle. Voilà, en 1664-66, on a créé cette Compagnie française des Indes. D'ailleurs, il y a un musée de la Compagnie des Indes qui est à Lorient. Et puis, il y a Nantes aussi, où il y a le très beau musée Thomas Dobré. Thomas Dobré qui était en fait un commerçant, un commercial, un armateur, qui aussi rapportait, qui était un amoureux des soies, et qui rapportait ce qu'on appelait des cabarets à thé qu'il avait achetés chez des anistes. Donc, c'était ces Chinois vraiment qui aimaient, qui avaient un amour du thé, mais surtout des cultures du thé. Parce que on parlera peut-être des différentes couleurs du thé. Tout à l'heure, vous avez parlé de houlons qui sont ces thés bleu-vert. Vous avez des thés rouges que nous, on appelle des thés fermentés. Et puis, les thés verts ou les thés blancs étant uniquement la culture des bourgeons, donc réservés aux empereurs, et c'était souvent des jeunes filles vierges, dit-on, qui ramassaient ce petit terrain de bourgeons au printemps, puisque le printemps, c'est la grande fête, que ce soit au Japon, en Chine ou en Inde, c'est vraiment la fête d'étayer, tout simplement parce que c'est le début des floraisons de ce Camellia sinensis qui va donner les meilleures saveurs. Avant d'aller justement en Chine, on peut rappeler que le thé avait des vertus quasi thérapeutiques et qu'il était conseillé par les apothicaires autrefois. Alors, moi, quand je vois au XVIIIe siècle, quand on vous donnait du thé, c'était contre la goutte. Contre les maux de tête, même pour la digestion. Mais d'ailleurs, quand vous allez en Chine, vous pouvez aller... Je suis allé chez des maisons d'apothicaires, on appelle ça des pharmacopées, mais extraordinaires, ce sont comme des épiceries. Vous attendez votre tour et là, vous avez des boîtes avec des thés particuliers, vous avez aussi des plantes, et il est évident qu'en fonction de la région. Moi, je pense par exemple à la région du Yunnan, où vous avez le petit lieu-dit qui s'appelle le Pu'er, qui est là où on cultive des thés qui sont cultivés et enfin il y a plusieurs fermentations et ils sont stockés dans des caves humides et ça ce sont des thés pour lutter contre la surcharge pondérale. Oui, ce sont des thés mange-graisse, voilà, qui est très à la mode depuis quelques années. Très à la mode, mais c'est extraordinaire parce qu'on l'a d'abord vendu dans les pharmacies. Alors il faut dire aussi, il est très fermenté ce thé là. Très fermenté. Hein, alors il est très noir, mais en même temps vous avez les pouerres crues et les pouerres cuits. Vous avez des années, des millésimes, et puis vous avez aussi la façon de le préparer. Ça, vous pouvez le préparer en plusieurs fois, entre 2-3 minutes, et il faut qu'il ait quand même une certaine densité, parce qu'un thé faible, comme dirait Balzac, est le plus épouvantable des thés, c'est-à-dire qu'il n'aura pas du tout les mêmes propriétés. Alors, vous êtes venu avec tout un petit attirail. Expliquez-nous quels sont ces beaux objets. J'ai apporté deux objets qui, pour moi, symbolisent le thé, ou disons la civilisation du thé. Tout à l'heure, vous parliez d'un aventurier occidental qui est Sir Thomas Lipton. Je dirais qu'il y a eu deux autres aventuriers du thé. Il y a eu Lu Yu, qui a été le premier à codifier le thé à l'époque du 800, 1000, et qui a écrit le Chaking, qui est un traité du thé, sur lequel encore les Chinois vivent. Et c'est celui qui a mieux compris à la fois la culture du thé et la façon de le préparer. Parce qu'on pouvait avoir, c'est comme partout, hein, vous pouvez avoir les meilleurs produits, si vous ne savez pas les transformer, ben c'est raté. Alors ça, j'ai apporté donc cette théière en grès de Yixing, du côté de Shenzhou. Alors Yixing, c'est un mot magique pour les connaisseurs de thé. C'est comme Limoges, c'est comme Harita au Japon. Vous avez les meilleurs producteurs qui, de génération en génération... Grand céramiste. Voilà. Et là, alors, cette théière, elle a une particularité. D'abord, elle est en grès. Elle a une sonorité quand vous tapez le petit couvercle dessus. Et puis, à l'intérieur, vous avez une boule à thé qui a été cuite en même temps avec des trous qui permet aux feuilles de houlong de ne pas passer à l'intérieur. Et cette cérémonie a été créée en Chine, codifiée beaucoup sous les Ming jusqu'au XVIIIe siècle et qui a permis de mettre en valeur le houlong qu'on appelle le thé du dragon souvent. Pourquoi ? Parce que les feuilles vont s'ouvrir comme les ailes d'un dragon avec une eau assez chaude, entre 90 et 96 degrés. Et cette feuille, vous pouvez ce rituel qu'on appelle le Gongfu Cha, le temps du thé, avec un cérémonial, on appelle ça un bateau, c'est une sorte de plateau avec des clés et vous allez verser plusieurs infusions dans la même théière, mais à chaque infusion, évidemment, vous versez l'infusion dans des bols. Et donc, ça vous permet d'avoir différents goûts d'une même espèce de thé. À partir de la feuille. Tiquanine étant la déesse en fer de la compassion, étant le meilleur des thés. Mais vous avez à Taïwan, beauté orientale aussi, qui est un peu plus fermentée et qui est extraordinaire parce que les goûts vont aller du thé très léger, très herbacé, au thé un petit peu plus sous-bois, si j'ose dire. Donc, on peut bien dire que la Chine est le berceau. On peut dire ça. Pourquoi ? D'abord pour une raison aussi, c'est que vous savez, les moines japonais, quand ils vont aller en Chine, ils vont tomber, ils ne connaissaient pas le thé, ils connaissaient les boissons fermentées comme le saké, les alcools de riz, et ils se sont aperçus que c'était une boisson d'éveil. Et ça va devenir, avec le bouddhisme, le shintoïsme, l'hindouisme après, ça va devenir une boisson de spiritualité au sens propre, puisque c'est San Norikyo au XVIIIe siècle qui va le premier codifier vraiment à travers le shanoyu. Je dis codifié parce qu'on peut pas parler de cérémonie au sens propre. Les Japonais sont très réservés là-dessus puisque le grand maître San Norikyo disait le thé, c'est battre le thé dans un bol et faire chauffer de l'eau et le boire. Voilà, c'est ça le thé. C'est la simplicité et en même temps, cette simplicité, évidemment, il faut des mois, des années pour apprendre le rituel, d'où la création des écoles de thé comme Urasanke ou Omotosanke. Toute la sagesse orientale, finalement, l'extrême sophistication, l'extrême simplicité. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai apporté la boîte de thé. Cette autre boîte, qui est une magnifique boîte en porcelaine laquée, oui. Nous allons y venir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Je vous vois déjà chez nous, buvant du thé sur mes genoux. Moi plein d'émoi, vous sentant tout à moi. Me trouvera ce jour. comme nous aurons beaucoup d'enfants. Voyez tous deux comme nous serons heureux. Si comme plus d'un amant, j'ai rêvé fréquemment d'un bel appartement, jamais ne suis-je arrivé à pouvoir le trouver, l'appartement rêvé. Nous aurons loin de la ville, un coin tranquille, meilleur marché. Là que nous aurons niché, on pourra nous chercher, nous saurons nous cacher. Moi plein d'émoi, vous sentant tout à moi. Ah, quel bonheur se sentir sans gêne, tous les deux, ni aller sans la bonne, sans personne à qui téléphoner, rien que nous, vraiment seuls, bien seuls. Marcel Merquès et Paulette Merval, un extrait de Thé pour deux, puisque le thé est à l'honneur cet après-midi dans Au cœur de l'histoire, avec vous Franck Ferrand et votre invité Gilles Brochard, journaliste à Art de Vivre et Gastronomie, auteur d'une dizaine d'ouvrages sur le thé, dont Le Petit Traité du Thé aux éditions La Table Ronde. Je vous rassure, Céline, nous faisons bien de la radio cet après-midi, mais ça ne nous empêche pas de montrer, si je puis dire, à nos auditeurs un certain nombre d'objets apportés par Gilles Brochard. Alors, qu'est-ce que c'est que cette espèce justement, de justement, tout à l'heure, je parlais de Sanori Kyu, qui est pour situer, il est né en 1522, il est mort en 1591, et il a codifié ce Shanoyu dans une alcôve, ce qu'on appelle sur un tokonoma. Pour lui, le thé, c'était l'harmonie, c'était le respect, c'était la sérénité et la pureté. Et il a envisagé toutes sortes d'objets. Je parlais du contenu du contenant. Donc, vous avez la feuille de thé qui est ce qu'on appelle le matcha. En fait, ce sont des feuilles de thé vert qui ont été récoltées souvent du tancha et qu'on a broyées avec une pierre de kanzai. C'est en fait une pierre en marbre et qu'on va broyer. Les feuilles vont être broyées et elles vont être stockées, rangées dans des boîtes à l'abri évidemment de la lumière, de l'humidité, de la chaleur. Ce thé qui devient une poudre, hein, on dirait vraiment de la poudre de riz presque que l'on se met sur le visage, comme à l'époque des empereurs chinois. Non, là, c'est du thé vert qu'on va sortir avec une cuillère spécifique en bambou. Le bambou joue un rôle très important, un matériau très noble au Japon. Et ensuite, on va le mettre dans un bol qu'on appelle souvent les raku. Ce sont des bols aussi là de tradition qui datent du 15e siècle souvent. Donc, on appelle ça les cuissons à cordes de feu, etc. Parce qu'on va créer des... Il n'y a pas un bol pareil, en fait. On va mettre des petites languettes de ficelle pour donner des couleurs ou des formes sur la surface. Et à l'intérieur, on va mettre ce thé vert qu'on va battre tout simplement avec un fouet qu'on appelle le chasen, qui est un objet extraordinaire au Japon. D'ailleurs, ils ont créé aussi des boîtes pour voyager, pour mettre... J'ai chez moi une boîte où on peut mettre son chasen pour voyager comme la cuillère. Et puis l'eau qui est très importante, d'où les grosses bouilloires, les kamas qui sont en fonte. Et on va prendre cette eau qui est assez chaude et qu'on va refroidir avec une eau froide, donc, pour que le thé... Vous savez que les Japonais ne boivent jamais un thé chaud, ils sont toujours tièdes, donc c'est entre 60 et 75, 80 degrés maximum. Et on va offrir ce thé lors d'une réunion de thé. On appelle ça les réunions de thé. On parle bien de thé vert. On parle de thé vert. Donc, c'est un thé qui n'a pas subi de fermentation, qui a été simplement oxydé. Une feuille de thé, c'est à peu près 80% d'eau. Donc, il faut enlever l'eau, l'humidité de cette feuille qu'on va faire sécher. Et les Japonais ont une méthode très particulière, surtout dans le sud du Japon, qui sont peut-être les meilleurs thés japonais. Alors, évidemment, le goût, c'est un goût un peu plus âcre. Nous, occidentaux, on est beaucoup plus proche des ferments, de la fermentation, des thés noirs, des thés semi-fermentés. Le thé vert, il faudra du temps aussi pour s'adapter un petit peu, surtout aux Japonais. C'est nettement plus subtil. Hein. C'est plus subtil. Et en même temps, le paradoxe, Franck, c'est que les Japonais, depuis, disons, les années 60, se sont mis au thé noir. Pour eux, c'est le grand luxe. Quand ils viennent à Paris, ils vont dans les grandes maisons de thé et ils achètent du Darjeeling, du thé de Ceylan. Ils disent, mais oh, c'est le thé français, parce qu'ils savent aussi qu'on sait respecter les feuilles. Ouais, ça, c'est assez intéressant de voir le va-et-vient entre les deux. En revanche, vous allez à Taïwan, qui est le pays du houlong, hein, beauté orientale ou d'autres thés. Et vous avez, lors de la domination japonaise, il y a eu des Japonais qui ont cultivé des thés qu'on a fermentés et qui ont un goût absolument exquis. Alors quand vous dites cultiver des thés, il y a bien entendu la variété, oui, botanique, oui, et puis il y a aussi le terroir. Et le c'est terroir, là qu'on arrive dans quelque chose important qui peut faire penser à l'œnologie ou à des choses, des disciplines pour... aussi. Oui, alors c'est pour ça que quand vous avez parlé de Sir Thomas Lipton, c'était pas gagné pour planter le thé. Alors c'est vrai que vous avez dit que les Français buvaient plus de café, c'était des questions de colonie évidemment. Et les Anglais, quand ils vont quitter les comptoirs après la guerre de l'opium, quand ils vont quitter les comptoirs de Canton et de Fuzhou en Chine, ils vont être obligés de trouver de nouveaux réservoirs. Et c'est là où ils ont eu le génie d'envoyer des cargaisons de Camilla sinensis chinésée, c'est-à-dire des feuilles moins résistantes, plus fragiles, mais tellement meilleures que les Camilla sinensis assamica. Et là, ils vont cultiver sur les collines de Darjeeling. Darjeeling, ce sont sur les contreforts de l'Himalaya, dans le nord-est. Alors, c'est la région du Bengale. C'est une région communiste, d'ailleurs, en Inde aujourd'hui. Et là, les familles entières vont se prendre au jeu et vont cultiver. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les Donc, noms... à l'origine, ce sont bien les Anglais. Ce sont les Anglais, ouais. Voilà. Et qui ont, alors, il y a eu toujours des problèmes de main-d'œuvre. Et puis finalement, la main-d'œuvre, on l'a formée. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez, moi j'essaye d'aller le plus souvent en Inde, rencontrer tous ces planteurs, ils font partie de, ce sont les premiers écologistes de l'Inde, d'ailleurs, si j'ose dire, parce que c'est la nature elle-même que l'on boit dans ces bols. Et ils ont, en 30 ans, créé un thé extraordinaire au goût un peu de muscat. On a dit aussi que certaines bêtes faisaient leur nid dans les feuilles, qui donneraient ce goût très suave dans les feuilles, notamment les premières récoltes qui sont moi mes préférées, qui sont un peu plus vertes et qui sont absolument exquises. Alors c'est une culture évidemment qui va avoir lieu aussi avec la gentry anglaise, parce que c'est souvent des aristocrates anglais qui sont partis de New Delhi ou de Bombay et qui sont venus créer des clubs anglais à Darjeeling. Vous avez encore des... J'ai rapporté d'ailleurs la cravate du club. Du club, ah oui, c'est très britannique, ça. Oui. Alors ça, c'est magnifique. Et aujourd'hui, il y a vraiment un renouveau. Il y a à peu près 75-80 jardins aujourd'hui qui sont pratiquement tous biologiques aujourd'hui. Organic tea, comme ils disent là-bas. Oui, donc c'est vraiment des trésors. C'est pour ça que les thés qui sont vendus à 80% aux enchères à Calcutta coûte très cher, parce que si vous voulez avoir l'été primeur au mois de la culture ayant lieu entre mars, avril et mai, si vous voulez avoir déjà en avril les premières feuilles, il faut le faire venir par avion et ça coûte plus cher. Comment sont-ils préparés ces thés noirs D'abord, on va flétrir les feuilles, on va mettre ces feuilles qu'on a cultivées, on les cueille le matin et l'après-midi, donc à l'heure du déjeuner et vers 4-5 heures, on les met sur des grandes claies. En fait, c'est des courants d'air ventilés qui vont donner à la feuille pendant à peu près 18 heures une chaleur tournante de 20 degrés. Ensuite, on va rouler les feuilles et elles vont libérer ce qu'on appelle les huiles essentielles. Et c'est pour ça que là, le rôle du planteur est intéressant, parce que c'est lui qui choisit le moment où il faut cultiver. Bah, quand il y a eu la photosynthèse, tout simplement, quand on sent que les feuilles, voilà, et vous avez la fleur, vous avez les feuilles, vous avez les bourgeons, vous dites ça y est, c'est formidable, on peut cueillir. Alors vous avez une parcelle, par exemple, qui va faire un hectare, vous allez, en fonction de l'orientation sur les collines, commencer par telle ou telle parcelle, refaire une autre cueillette une semaine après, etc. Et puis après, vous faites cette fermentation qui est une oxydation, c'est-à-dire la feuille va devenir noire, et là, on règle la fermentation en fonction des achats de la France, de l'Italie, des Anglais, si on veut une feuille plus ou moins fermenté. Et ça, c'est tout ce savoir-faire, il a été mis au point par les Anglais, c'est ou il existait déjà de... Non, alors ce sont les Anglais qui l'ont fait, ils vont le faire au Népal aussi, ils vont créer des machines qui ont été créées en Angleterre, des machines qui vont être créées en Allemagne aussi, il y a beaucoup de machines allemandes qui permettent évidemment de favoriser telle ou telle étape de la manufacturation d'été. Ce que les Anglais ont fait sur les contreforts de l'Himalaya, ils l'ont aussi fait dans l'île méridionale de Sri Lanka, donc à Ceylan. Ce sont tous les fameux thés de Ceylan. Voilà, alors tout à l'heure vous en parlez à propos mais de Lipton. Alors, ce qui est étonnant dans Ceylan, c'est que vous avez aujourd'hui, quand vous faites un peu du tourisme entre Candine ou Aralia, dans les montagnes, vous avez encore des clubs. Vous pouvez visiter les plantations et visiter même les manufactures. Ce qu'on ne peut pas faire à Darjeeling, il faut des passe-droits, demander vraiment des autorisations. À Ceylan, vous avez plus qu'à Darjeeling, où on ne coupe pas les feuilles généralement. Vous avez donc tout ce que vous lisez FOP, qui veut dire Flowery Orange Pekoe. Alors, orange, c'est la famille des oranges Nassau. Ça revient aussi de l'époque des Hollandais. Évidemment, il n'y a pas de goût d'orange du tout. Et puis, vous avez les BOP, donc broken, donc broyé, cette feuille, Paco, qui est le duvet. Donc, plus la feuille est petite, plus là, le thé va être fort. Donc, vous pouvez l'adoucir avec du lait. Alors ça va être l'achat des Britanniques, des Américains, des Australiens, tandis que les Français ou les Allemands, qui sont assez puristes aussi, ils vont acheter des feuilles plus grandes où les thés coûteront quand même un petit peu plus cher. Un ami grand amateur de thé qui dit qu'il y a trois ennemis du thé, le citron, le sucre et le lait. Ah, j'ai cru qu'il allait dire les Américains. Oui, bah, il a raison, parce que l'acidité... Bon, on a tous commencé par du citron, ou alors on fait un grog, on peut mettre un peu de rhum, du thé et du citron. L'acidité est quand même l'ennemi du thé. Moi, je défends beaucoup la grande saveur de l'amertume, ce qu'on appelle l'astringence, qu'on a sur cette langue. Vous savez, quand vous faites un thé à 4-5 minutes d'un Darjeeling, vous sentez cette petite pointe un peu astringente qui vous titille. Et puis derrière, vous avez le goût du muscat qui revient jusqu'à l'alouette. C'est magnifique. Parce que là, vous dites, vous êtes dans la plénitude d'un thé et vous êtes d'une certaine manière dans la félicité. Parce que quand vous allez voir un Indien, il vous sert tout de suite le lait. Immédiatement. Alors moi, je lui dis, mais non, je ne suis pas anglais, je suis français. Alors il rigole et il vous enlève le sucre et le lait et vous le buvez comme ça. La seule chose qu'on peut mettre dedans, à mon avis, ce sont des bourgeons de rose séchés. C'est absolument délicieux. Ce que j'ai découvert en préparant cette émission et que vous êtes en train de me confirmer, c'est que finalement, les plus grands puristes du thé, ça va finir par être les Français. Ben écoute, oui, alors je sais bien qu'en disant ça, on a l'air toujours un petit peu d'avoir un côté supérieur. Bon, il y a quelques années, j'avais créé un club des buveurs de thé. On avait créé une antenne en Italie, par exemple, qui avait très bien marché, parce que il y avait des jeunes Italiens universitaires, etc., entre 20 et 30 ans, qui s'étaient passionnés pour le thé. Ils ont même, du côté de Lucca, à Sant'Andrea di Compito, créé une manufacture de thé. C'est la ville du Camélia. Alors, sous des serres, on peut boire un peu le thé. Bon, il y a comme ça des petits îlots de connaisseurs. C'est vrai que les Français, les connaisseurs que je connais, quand ils s'intéressent au thé, c'est comme au vin. Ils deviennent vraiment très exigeants, voilà, hein, presque ça, des puristes. Oui. Comme vous savez, tous ces Anglais qui viennent dans le cognac ou dans le bordelais et qui deviennent des sommeliers du thé, qui sont plus experts que les Français. Mais alors, c'est pas à vous que je dirais ça, Gilles Brochard. Vous êtes, on va dire, le monsieur thé et l'homme du bon goût à Paris. Mais lorsqu'on est dans un grand salon de thé, je ne donnerai pas de marque, mais enfin... Nos auditeurs comprendront bien à quoi je fais allusion. Les connaisseurs, en quelque sorte, choisissent presque toujours, enfin, c'est mon expérience, hein, mais moi j'ai un goût pour les thés noirs, mais je vois les gens prendre presque toujours des thés verts. Il vaut mieux prendre Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis plus naturellement... Le thé vert, moi, je le prends plutôt le matin, d'ailleurs, comparativement, mais pas au petit déjeuner. J'ai besoin d'un thé noir au petit déjeuner, genre Grand Yunnan ou Panyong, Panyong. Demandez-le. Si vous ne le connaissez pas, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais c'est un thé magnifique, un peu chocolaté. Les thés verts, vous pouvez les prendre vers 11h, midi. C'est des thés qui se mélangent aussi parfois avec certains poissons. Et puis bon, moi je ne bois très très très très peu de thé parfumé. Je pense que commencer, contrairement à ce qu'on dit, on dit les enfants, il faut les faire boire des thés parfumés. Pas du tout. Moi j'ai fait boire des thés classiques, disons des thés d'origine, comme on dit à des jeunes, qui s'y mettent naturellement. Et bon, chacun le fait à sa façon, évidemment. En tout cas, il y a un conseil que je donne, Franck Ferrand, c'est l'eau, la qualité de l'eau, les bouilloires qui s'arrêtent à temps, ne jamais faire bouillir une eau parce que c'est une eau qui va perdre ses oligo-éléments et puis se brûler, ça va brûler la feuille de thé aussi. Et puis des théières, alors surtout porcelaine, c'est la meilleure parce qu'on peut la rincer. Éviter les théières en fonte qui sont commerciales parce que c'est les Japonais qui ont fait ça pour les étrangers. Les Japonais ne boivent pas le thé là-dedans, c'est des réductions de bouilloire. Et éventuellement des théières à mémoire comme celle de Yixing où vous allez mettre une seule sorte de thé. Et ça va être votre petite théière fétiche. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Il reste malheureusement encore 2 heures avant l'heure du thé, mais on va être parfaitement prêt. Je rappelle, Gilles Brochard, que vous êtes notamment l'auteur chez Arléa de ce très joli recueil de textes sur et autour des auteurs du thé, qui ont aimé le thé. Ça s'appelle « Le thé dans l'encrier ». Merci beaucoup. Merci Franck. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question posée par Franck sur la page Facebook de l'émission, qui aimerait connaître l'origine du savon. Alors là, quand on parle de retour aux origines, ce sont de très lointaines origines. Dites-vous que le savon, c'est le tout premier produit d'hygiène corporelle que l'homme ait inventé. Alors là, on remonte au moins, je dis bien au moins, pour autant qu'on sache, on remonte en 2800 avant notre ère, en Mésopotamie. Alors, plus tard, c'est dans la ville d'Alep, en Syrie, qu'est créé le véritable savon, le fameux savon d'Alep, qui aujourd'hui encore est connu, hein, et qui est l'ancêtre de nos savons durs, à base d'huile d'olive, de plantes diverses. Il a surtout eu ce savon d'Alep, il va prendre peu à peu une utilisation médicinale. En Europe, le savon est fabriqué à partir de graisse animale et de cendres. Il est donc assez corrosif. Il est surtout utilisé pour blanchir le linge. Ça sera son principal usage pendant très longtemps. Il sert aussi à éclaircir les cheveux. Le savon d'Alep est rapporté en Europe au moment des croisades, au XIIe, XIIIe siècle. On va voir naître des savonneries en Italie, en Espagne, en France. Les plus célèbres, évidemment, elles voient le jour dans la région de Marseille. Dites-vous qu'au cours du XVIIIe siècle, la fabrication du savon va s'industrialiser et que Marseille comptera 8 savonneries en 1600, 20 en 1650, 62 en 1813. Si le savon est aujourd'hui bon marché, c'est à Nicolas Leblanc qu'on le doit. C'est lui qui, en 1789, découvre le fameux procédé de fabrication du carbonate de sodium à partir d'eau de mer, ce qui va permettre évidemment de fabriquer ça beaucoup plus facilement. C'est d'ailleurs au XIXe siècle que la notion d'hygiène va se développer. Alors on se met à utiliser le savon de plus en plus. N'oubliez pas qu'autrefois il y avait la toilette sèche, donc c'était difficile d'utiliser le savon, évidemment. En 1906, Jules Rochetti invente même la poudre de savon qui permet de laver plus facilement le linge et qui sera commercialisée sous la fameuse marque Persil. Et au cours du XXe siècle, le savon, on peut dire, devient un produit d'usage très courant. Au-delà de son statut de produit d'hygiène, il va devenir peu à peu un produit cosmétique et même un produit de luxe. Mais ça, c'est presque une autre histoire.